Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal à la langue française dont voici les principaux titres. Les Burundais qui se sont fait enrôler pour le référendum prochain sont appelés à récupérer leur carte d'électeur à partir de ce mercredi. Une opération qui sera clôturée dimanche, précise le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Et les troupes en mission de maintien de la paix en Somalie à Missom seront remplacées par l'armée somalienne après leur retrait d'ici 2021. Une déclaration qui a été faite par le commandant de ces militaires ce lundi, le retrait qui se fera petit à petit, ajoutait-il. Le lauréat du baccalauréat de la faculté de droit demande au ministère de la Justice une révision de la loi régissant le statut de la profession d'avocat au Burundi pour leur ouvrir la porte. Ils indiquent que cette loi ne donne pas de place à leur diplôme. Et dans ce journal, on vous parlera également d'arthrose. Ça sera dans la chronique santé, qui est une infection chronique beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées. Vous aurez des explications avec le rhumatologue. Docteur Alexis Sinzakaraï, voilà pour le sommaire. Placide Niomongere est à la présentation. Côté technique se trouve Séraphine Akziman. Bonjour, page humanitaire. Pour débuter ce journal, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA donne un effectif de plus de 16 000 victimes des inondations dans les zones de Gatumba de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura et Butere dans la commune Ntahangwa. Ce bureau réaffirme la gravité et la nécessité d'assister dans l'urgence ces victimes. Le porte-parole de l'OCHA au Burundi, Christian Krikbouk, précise que son bureau est prêt à accompagner le gouvernement burundais s'il fait appel à lui. Pour lui, il faut d'abord une identification des besoins de ses victimes. OCHA a fourni un effort important dès le début d'événements liés aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région de Bujumbura depuis la fin du mois d'avril et au début du mois de mai. OCHA est là vraiment pour soutenir les autorités locales à faire face à ce défi qui est d'une ampleur assez importante puisque à l'heure actuelle, il y a à peu près à Gatumba 13 000 personnes qui ont été affectées. Alors à Buterere, à l'heure où je vous parle, à peu près 3 500 personnes ont été affectés. On se retrouve avec une population d'à peu près 16 000 personnes qui ont été affectées par ces inondations. L'assistance est en marche. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord pouvoir évaluer les besoins des populations. Parce que vous savez que les femmes, les hommes, les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Ceci dit, l'assistance d'urgence est en route. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est voir comment on soutient donc ces efforts du gouvernement. La première chose, je pense, c'est de répondre aux besoins immédiats. Après ça, en fonction des capacités qui nous sont données, on va voir comment on peut assister. Le gouvernement, qui a déjà fait énormément de choses pour être les premiers sur le terrain, notre rôle, c'est avant tout de les soutenir. Si les autorités nationales font appel à nous pour une assistance à plus long terme humanitaire, on essaiera d'être là, de s'engager à côté d'eux, pour pouvoir essayer au moins de minimiser autant que faire se peut l'impact des inondations. C'était Christian Krikbouk, il est porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, au Burundi. Et le gouverneur de la province de Bururi tranquillise la population de la colline Kirungu de la commune Vianda, où on signale un glissement de terrain qu'il est à l'œuvre pour leur secourir. Christian Nkurunziza, gouverneur de cette province, précise qu'il a déjà contacté la police de la protection civile pour venir en aide de cette population. Il indique que l'administration est à la recherche d'un site pour déplacer cette population de la localité de Kirungu. Je vous prie de suivre le gouverneur Christian Nkurunziza. C'est une désolation totale parce que samedi matin, la population de la colline Kirungu a été vraiment très surprise de se réveiller dans la catastrophe. Parce qu'ils se sont réveillés et ils ont vu qu'il y a eu des glissements d'une montagne qui s'appelle Kirungu, la montagne qui est tout près de la grande montagne qui s'appelle Ganza. Et cette montagne s'est écroulée dans la vallée, dans une petite rivière. On observe quand même qu'il y a toujours des glissements parce que il y a des fentes, il y a des fissures énormes. Ce que nous avons demandé à la population, c'est de ne pas aller dans cette vallée parce que peuvent y avoir des accidents. Le problème alors, c'est que la population ne peut pas faire son travail pour aider à évacuer ces éboulements. Deuxièmement, il n'y a pas de machines qui peuvent arriver dans cette vallée. Mais quand même, nous avons approché la Direction générale de la protection civile pour voir si ils peuvent nous aider dans la gestion des catastrophes. Comment préconisez-vous résoudre ce problème? Et c'est ce que nous sommes en train de toquer à gauche à droite. C'est comme ça que nous avons d'abord commencé par la Direction générale de la protection civile, de la police, qui est en charge de la gestion des catastrophes. Et nous sommes en train de voir avec l'administration comment nous pouvons chercher un site pour évacuer ces personnes parce qu'il peut y avoir des accidents mortels même. C'était le gouverneur de la province Bururi, Christian Nkurunziza. Et près de 900 ménages des victimes des inondations ont été assistés à la mairie de Bujumbura par la Croix-Rouge depuis le 1er mai courant. Cela vient d'être annoncé par le secrétaire général de la Croix-Rouge au Burundi à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Anselme Kati Nkurunziza estime, entre autres, que le système de construction des habitations devrait être revu pour régler le problème des inondations en amont. L'élément n'est pas disponible. On y reviendra juste après dès que l'élément sera disponible. Nous marquons une courte pause pour ouvrir la page éducation. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h03 sur Isanganilo, le journal se poursuit. Certains lauréats du baccalauréat de la faculté de droit de l'université demandent au ministère de la Justice la révision de la loi régissant le statut de la profession d'avocat en vue de leur permettre d'accéder dans ce secteur. Dans une correspondance récemment adressée au ministère de la Justice, ils disent ne pas comprendre pourquoi l'ordre des avocats ne les reçoit pas, alors qu'un décret présidentiel précise que leur diplôme est équivalent à celui de l'ancien système. Les détails avec Alain Désiré Boukeyenet. Depuis la fin de leur niveau de baccalauréat en 2016, ces lauréats ne sont pas encore admis au barreau de l'ordre des avocats pour accéder à cette profession, s'indigne-t-il. Nous nous sommes adressés au barreau, présentant nos diplômes, mais on n'a pas eu accès. La raison n'est autre que cet article 7.b du statut de la profession d'avocat, comme quoi seul le niveau, l'ancien système est recevable. Le problème serait commun à tous les lauréats des autres facultés et instituts de l'université voulant embrasser certaines carrières professionnelles. Ils estiment que cela est contraire au décret présidentiel de 2015 portant équivalence des diplômes de licence et celui de baccalauréat. Le diplôme de baccalauréat ou équivalent délivré à l'issue du premier cycle dans le système de BMD est administrativement équivalent au diplôme de licence et d'ingénieur industriel délivré dans l'ancien système. Vous comprendrez vous-même que le barreau ne peut plus trouver raison de nous interdire d'accéder au barreau tant que l'équivalence est reconnue. Et cela même est avéré dans les faits parce que nous avons parmi nous nos anciens collègues qui travaillent dans la fonction publique comme juges, comme procureurs. Ces lauréats implorent le ministère de la Justice d'initier un projet portant révision de la loi régissant la profession d'avocat afin de lever ces entraves. Nous avons écrit à la ministre de la Justice pour lui demander de prendre une initiative et envoyer un projet de loi au Parlement afin que cette loi puisse aller avec le temps. Le système de l'enseignement supérieur a changé. Nous sommes aujourd'hui dans le système BMD. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Gitega, maître Jean Bosco Bigirimana, considère que ces lauréats ne peuvent pas accéder à cette profession avant la révision de la loi de 2002 irrelative. Maître Salvatore Kiyuku, bâtonnier de l'ordre des avocats de Bujumbura, précise que cette loi devrait intégrer la création d'un centre de formation de ces lauréats qui leur permettrait d'accéder facilement à cette profession libérale. Alain Désiré Boukeyeneza, au niveau du ministère de la Justice, l'on promet de réagir dans nos éditions ultérieures. On me fait signe que l'élément de la Croix-Rouge est disponible. Près de 900 ménages des victimes des inondations ont été assistés à la mairie de Bujumbura par la Croix-Rouge depuis le 1er mai courant. Cela vient d'être annoncé par le secrétaire général de la Croix-Rouge au Burundi à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Anselme Katiyunguruza estime entre autres que le système de construction des habitations devrait être revu pour régler le problème des inondations en amont. Je vous prie de le suivre. Compte tenu de l'ampleur, de l'étendue de la catastrophe par rapport à l'ensemble du pays, nous pouvons dire que nous ne sommes pas très loin en termes d'effectifs qui sont affectés par les inondations. Par rapport au message que nous pourrions lancer à l'endroit de l'ensemble de la communauté humanitaire, des gens qui peuvent nous aider à assister les autres, moi je pense que je n'ai pas de message particulier à l'endroit des autorités du Burundi. Sauf que je peux me lamenter comme tout Burundais en disant il est temps aujourd'hui de revoir notre format de construction. Il est temps aujourd'hui d'apprécier le plus objectivement possible les terrains sur lesquels on peut construire et les terrains sur lesquels on ne peut pas construire. Il est temps de contrôler, de suivre de très près la discipline de certaines rivières de ce pays. Et ça demande beaucoup de moyens que la Croix-Rouge n'a pas, que probablement le pays n'a pas, mais que l'ensemble de la communauté internationale peut mobiliser pour pouvoir venir à l'aide de ces milliers de sinistrés liés aux catastrophes. Est-ce que nous allons lancer un appel pour que l'ensemble du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se mobilise en faveur de ces sinistrés liés aux inondations? Nous allons le faire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions pouvoir développer une certaine résilience de nature à nous prendre en charge nous-mêmes, c'est-à-dire attaquer le phénomène en amont avant qu'il n'ait produit des effets en aval. C'était Anselme Katiyunguruza, il est le secrétaire général de la Croix-Rouge au Burundi. L'armée somalienne Nation Army est progressivement formée par la MISOM pour reprendre le relais d'ici 2021. Se référant sur la résolution 2372 qui prévoit le retrait définitif de ses militaires en Somalie, le commandant de ses forces militaires, général-major Charles Taï Jitiwai, a précisé lors d'une conférence de presse de ce lundi tenue à Mogadiscio que ses troupes ne sont pas une force d'occupation. C'est au gouvernement fédéral de la Somalie d'assurer l'état de droit dans le pays. Le général-major Jitiwai a en outre précisé que le retrait de ses troupes se fera petit à petit jusqu'en 2021. Page politique à présent. Les citoyens qui se sont fait enrôler pour participer au prochain référendum sont appelés à récupérer leur carte d'électeur à partir de ce mercredi. Prosper Anaogwami, le porte-parole de la CENI, indique que cette opération va prendre fin dimanche. Et à la question d'un groupe des membres d'Amiseria Barundi qui mène une campagne différente de celle des leaders de cette coalition, le porte-parole de la CENI, dans une conférence de presse de ce mardi, a annoncé que c'est leur droit. Oben Yonguru pour plus de détails. Le retrait des cartes d'électeurs commence ce mercredi. Le porte-parole de la CENI annonce que, parallèlement, les préparatifs en rapport avec le matériel se poursuivent. Les agents de distribution des cartes d'électeurs seront présents dans ces centres de 7h30 à 17h30. Parallèlement aux activités de distribution des cartes d'électeurs, des activités de déploiement du matériel électoral sont en train de se réaliser. Prosper Naurgwami s'est aussi exprimé à propos d'un groupe de membres de la coalition Amiseria Barundi qui mène une campagne parallèle avec un mot d'ordre qui diffère de celui des leaders de cette coalition. Il dit que c'est leur droit. Nous avons agréé la coalition Amiseria Barundi. C'est une coalition des indépendants. Et dans la coalition des indépendants, la CENI ne contrôle pas ou ne surveille pas les convictions des uns des autres. S'il y a un problème interne à cette coalition, il appartient à la coalition de mettre de l'ordre dans ses militants. Mais oui, ça veut dire qu'il y a divergence d'opinion au sein de cette coalition, pour te dire le vrai. Si c'était un parti politique, la CENI souligne que c'est leur règlement d'ordre intérieur qui trancherait. Si c'était un parti politique, les partis politiques savent comment gérer ce genre de comportement au sein des militants de leur parti. Ils ont le règlement d'ordre intérieur. S'il y a un militant qui ne donne pas ou qui ne respecte pas la consigne de son parti, Le parti sait comment le gérer. 32 organisations de la société civile ont déjà déposé à la CENI leur demande pour envoyer leurs observateurs le jour du vote. À cela s'ajoutent les mandataires des partis politiques. Oban Nyonghure, le Parti pour l'indépendance économique au Burundi Piebu, appelle ses militants et les Burundais à voter pour le référendum constitutionnel prochain. Dans une conférence de presse animée sommet crédit, le président de ce parti a été motivé par la place que donne ce projet de constitution à Dieu. De Gracias Nsanganyo Mwame a affirmé que ce parti ne bat pas campagne tardivement, mais qu'il était en train de faire une lecture minutieuse de ce projet de constitution. Quand nous avons passé en revue le contenu de la dite constitution, et nous avons trouvé quand même et qu'il y a des dispositions et qui vont nous faire avancer beaucoup plus par rapport à la constitution qui régissait le pays antérieurement. Nous vous citerons à titre d'exemple que les articles suivants, l'article 129, 124, 128, 169, sont des articles en réalité qui n'ont pas changé, sont des articles en réalité qui sont issus de l'accord d'Arusha, qui montrent comment sera la cohabitation entre les différentes composantes ethniques au niveau du Burundi. Et en deuxième lieu, nous avons trouvé d'autres articles, et notamment l'article 97, 98 et 178, et qui vont faire que le pays soit bien dirigé. C'est-à-dire qu'aucun parti politique ne va plus se réclamer de l'opposition tant qu'il aura déjà des membres au niveau du gouvernement. Nous avons trouvé un article aussi très intéressant, l'article 182, et c'est un article qui va beaucoup aider le Burundi à aller sur le même programme des autres pays de l'East African Community. Nous avons trouvé des articles tels que 126 et 285. Il dit que lors de son entrée en fonction, le vice-président prête solennellement serment suivant par la Cour constitutionnelle en présence du Parlement, disant ceci: devant Dieu le Tout-Puissant, le Piebu Abanyeshyaka a affirmé et réaffirme encore qu'un bon dirigeant doit être un bon chrétien. Au nom du parti Piebu Abanyeshyaka et à mon nom propre, nous invitons tous les Burundis en général et les Abanyeshyaka en particulier à aller voter égaux. Radio Isanganiro Chronique. Parlons santé pour clore cette édition. On parle de la chronique santé. L'arthrose est une infection chronique qui se caractérise par des douleurs persistantes aux articulations causées par l'usure des tissus protecteurs aux extrémités des os. Le rhumatologue Alexis Nzakaray fait savoir que l'arthrose est beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées. Il s'agit également d'une maladie qui touche de nombreuses articulations, mais surtout les genoux. La chronique santé d'aujourd'hui est signée Francine Diokobgaï. L'arthrose est définie comme étant l'usure des cartilages. Il s'agit de la dégradation du tissu protecteur qui recouvre les extrémités des os au niveau des articulations, d'après le rhumatologue Alexis Nzakaraye. C'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire qui est due à l'usure de l'articulation. Arthrose, ça veut dire usure du cartilage. Le cartilage, c'est la partie terminale de l'os qui tapisse la partie de l'os qui s'articule sur un autre os. Normalement, quand on est normal, le cartilage a la forme lisse, régulière. Quand on marche, on n'a pas mal. L'arthrose touche fréquemment le genou, la hanche et la colonne vertébrale, la douleur étant le principal symptôme. Il y a des articulations périphériques, c'est-à-dire les articulations des membres comme le genou, l'épaule, la cheville, etc., etc. Mais aussi ça touche les articulations axiales, le dos, la colonne cervicale, dorsale et lombaire. Si c'est le genou, on a mal quand on marche. Si c'est l'épaule, on a mal quand on lève les bras. Si c'est la cheville, on a mal quand on chez le footballeur, quand ils tapent sur le ballon, ils ont mal. Si c'est le dos, la colonne, on a mal quand on marche, quand on s'incline, etc., etc. C'est une douleur qui est déclenchée par le mouvement. Quand on ne fait pas le mouvement, on n'a pas mal. L'arthrose est une maladie qui évolue très lentement. Au départ, c'est une petite agression du cartilage qui se lèse un peu, ça provoque une douleur. Quand la personne arrête ou diminue l'utilisation de la partie qui est touchée, la douleur peut disparaître. Mais au fur et à mesure que le cartilage se détruit, que le cartilage s'altère, la douleur devient de plus en plus fréquente, apparaît de plus en plus à la moindre sollicitation du membre. Et progressivement, ça évolue parallèlement à l'altération du cartilage, ça va évoluer vers une douleur quasi permanente. L'articulation va se déformer au fur et à mesure. Le docteur Sinzakaraye classe les facteurs de risque de l'arthrose en trois grands groupes. Les facteurs généraux, c'est d'abord l'âge. Plus l'âge avance, plus l'arthrose apparaît. Généralement autour de 45, 50. Mais ça peut commencer tôt. Il y a aussi le poids. Et puis viennent les maladies rhumatismales comme la polyarthrite rhumatoïde qui touchent les articulations, surtout périphériques. Le deuxième groupe, ce sont les facteurs génétiques. Une personne de famille arthrosique, elle est à risque d'arthrose. La troisième cause, ce qu'on appelle les facteurs locaux. Tous les facteurs qui agressent une articulation, c'est l'exemple des travaux pénibles qui usent les membres, les mouvements répétitifs, les gens qui utilisent des engins vibrants, lourds, mais aussi les traumatismes à répétition. Par exemple, un footballeur qui se blesse régulièrement les pieds ou en cas d'infection d'une articulation. Si l'arthrose n'est pas traitée à temps, elle peut entraîner de graves complications dont certaines déformations. Le rhumatologue Alexis Nzakaraye nous en parlera dans notre prochaine chronique santé. Merci Francine pour cette chronique santé. Nous voilà au bon port, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.